bombarder. Banquette arrière, cargaison vient de Tanger. Pourquoi je l'ai fait sans permis? Tout ça pour la belle vie, pour mettre la mif à l'abri. J'ai pris le sens interdit. Pourquoi je l'ai fait sans permis? Tout ça pour la belle vie, pour mettre la mif à l'abri. J'ai pris le sens interdit. J'ai tourné dans le bloc, rose, ça revendait la grande. C'est plus comme à l'époque, rose, ça fait plus d'être le gentil. J'ai chasse dans la cheveux, je sortais le visage à Dieu. Qu'il faudra t'apprendre à pécho, tu forces à gratter le que si. Coup de couteau qui je suis plus là, non je suis plus là. Je sens mi père et sous pilaf. Moi le souci c'est le siroc. J'ai rappé la haine de ma thèse. J'ai fini populaire, à force de rester là je sers. J'suis mieux sur un scout de mer. Merci déjà à la street. J'vais skier sur moi, j'ai du shit. Merci d'avoir mis ce jean. Depuis j'm'arrête, j'prends son hume. Merci on m'entend à l'antenne. Toi qui voulais me ralentir. Respire, j'finis me noter. Niquez, c'était volontaire. RSI chez P.O.P. Ils veulent nous voir à terre. Triste avenir est menotté. Y'a les keufs dans le rétro. Obligé de bombarder. Banquette arrière, cargaison vient de Tanger. Pourquoi je l'ai fait sans permis? Tout ça pour la belle vie, pour mettre la mif à l'abri. J'ai pris le sens interdit. Pourquoi je l'ai fait sans permis? Tout ça pour la belle vie, pour mettre la mif à l'abri. J'ai pris le sens interdit. Mon shit dans la tête, ton nez dans la zipette. On prend tout comme la bague, tu finis tout mort comme des pets. J'arrive en 600 ornés. Je m'en bats les couilles, tu reconnais la tête. Sac des mahboules sous la cagoule, on fait tout ce qui est pas permis. Que des disjonctés, on rabat à votre santé. À 2-30 dans le GTD, j'suis à l'affût comme le guetteur. Tout le réseau rafacise, ça coupe des pains au ciseau. Et ça donne tout au gratteur. Et ouais, quand c'est la merde, ça part de là. Les 4 nourrices dans le bâtiment. Y'a trop de pélo, bah c'est des chinois. Ils sont pas de chez moi, ils sont pas de chez nous. Dans les dépôts, ton The Block, ça poucave toute l'année. La peuf froide, elle nettoie toute l'année. RSU3, RSI chez piloté. Ils veulent nous voir à terre, triste avenir est menotté. Y'a les keufs dans le rétro, obligé de bombarder. Banquette arrière, cargaison vient de Tanger. Pourquoi je l'ai fait sans permis? Tout ça pour la belle vie, pour mettre la mif à l'abri. J'ai pris le sens interdit. Pourquoi je l'ai fait sans permis? Tout ça pour la belle vie, pour mettre la mif à l'abri. J'ai pris le sens interdit. Mon ref, ça c'est vraiment les condés derrière. Ouais, c'est un vrai peu. Ça c'est pas des clips. Hein. Ça c'est vraiment les keufs. Hein. Là il y aura vraiment un contrôle. Vrai contrôle de police. Voilà, ça part de là, ça part de là. On va mettre la petite ceinture. On va mettre la tursa et on va faire les hommes sains. Allez, permis de conduire, carte grise. La prochaine fois, vous conduisez pas, prenez votre permis de conduire.